Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Jean-Christophe Averty et les variétés, Michel Bouquet et le théâtre, bien sûr, Tartuffe, la Bretagne du large et la Bretagne des traditions, Pierre Sabagues, le ministre de l'Environnement, le premier, alors que le président de la République en exercice disait des Français qu'ils aimaient la bagnole. Bref, la France, la société française à travers sa télévision. Après François Mauriac, André Bazin et avant Serge Danet, voici la semaine rassemblée en quelques minutes que Meryl Moneghetti avait consacrée dans sa série Mauriac et compagnie croque la télévision, et donc cette nuit, Maurice Clavel. Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Jean-Pierre Dionnet prête sa voix à Maurice Clavel. Aujourd'hui, secouer les gens chez eux. L'actualité des tournages nous conduit aujourd'hui à Joinville, où Jean-Christophe Averty essaye de trouver une écriture peut-être plus simple. Tant que je pourrais faire les variétés comme je les aime, comme je les conçois, je continuerai parce que je pense que de temps en temps, il faut qu'un metteur en scène, quitte à déplaire à tout le monde, continue à chercher quelque chose, quitte à ne rien trouver, ce qui est mon cas. Bonjour. Attendiez-vous, messieurs les censeurs, bonsoir? Eh bien non, pas aujourd'hui. J'ai trouvé qu'entre Jean-Christophe Averty, trublion follement inspiré de la télévision, ici dans Micros et Caméras, tiens donc, en mars 1968, et Maurice Clavel, l'écrivain philosophe polémiste proclamé journaliste transcendantal, il y avait comme une parenté pour secouer les gens chez eux. D'Averty, le réalisateur Alain Bureau se dit qu'il est parfois un cri, mais toujours un souffle. Pour sa part, Jean Daniel voit en Maurice Clavel un authentique journaliste chargé de recevoir pour transmettre, non comme un simple médiateur, mais comme un incitateur, un perturbateur et même un diviseur. C'est ce même Jean Daniel qui a confié à l'ancien gaulliste mystique, en rupture après l'affaire Ben Barka, la chronique de télévision au Nouvel Obs. Clavel y anticipe et accompagne avec bonheur les événements de 68. L'année suivante, il explique à la Tribune de Genève qu'il trouve la téléchronique intéressante parce que c'est à travers le petit écran que le monde lui apparaît et le fait réfléchir. Non pas pour esthétiser, mais regarder au niveau terre à terre pour y déceler les lignes de force pour cerner les hommes. Plus qu'à une téléchronique, Clavel se livre à une critique de la société du spectacle. Les critiques les plus acerbes que je reçois, c'est « ça bouge trop ». Effectivement, ça bouge trop. Et je le veux comme cela parce que j'estime que la télévision n'est pas un art de tourpeau. On ne doit pas voir la télévision bien assise dans son fauteuil. Il faut protester, remuer, se secouer. Bref, avoir en sorte une des réactions brutales devant son poste. La télévision est un instrument qui vient vous trouver chez vous. Il faut donc qu'il tienne sa réputation. Il faut donc secouer les gens chez eux. Le Nouvel Observateur, 8 janvier 1973. Au cours d'un débat qui opposait Arthur Comte à des journalistes et qui ne donna rien, qui ne pouvait pas donner grand-chose, il fut à nouveau question des forces de la joie et de faire chanter la France. Qui ne demande la joie? Qui ne chercherait pas à chanter? Mais comment faire? D'autre part, Arthur Comte lui-même, à la fin de cette séance, déclarait que nous vivions une époque de transition, que les cieux étaient vides, que les valeurs étaient mortes, qu'aucune espérance nouvelle n'était née pour nous faire vivre. Si ce n'est pas cela le désespoir, qu'est-ce que c'est? Dès lors, comment nous faire chanter sans nous en donner d'abord les raisons? Certes, ce n'est peut-être pas le rôle d'un directeur de l'ORTF que de changer notre vie. Mais est-il d'amuser misérablement la misère? Comme disait Jaurès, elle se réveillera dans les cris. Et à ce moment-là, je ne vois plus d'Arthur Comte. Mais alors plus du tout, et surtout pas Kay Kennedy. Et qu'on ne dise pas que je n'aime pas les chansons. La plus belle émission des fêtes fut de chansons. Il est vrai qu'elle était montée par Averty. Il s'agissait des airs que l'on a fredonnés entre 1930 et 1940, et là, le génie de music-hall d'Averty, tenez-vous bien, n'était plus seulement une recréation, mais une recréation historique. Comment a-t-il pu attraper à ce point l'esprit d'un temps qu'il n'a pas vécu? J'y étais, j'ai tout retrouvé, tout ce que j'avais senti alors que je n'avais pas compris. Nous donner de l'universel concret par imagerie de chansons, quel prodige! Boléro et mantille, sur fond de Guernica, la cucaracha, par 100 cafards métalliques, au ressort en croix gammée, sketch dialogué en intermède, d'autant plus drôle que profond. et le Front National était ridiculisé, foyé. Mais le Front Populaire en prenait pour son grade, en sa paresse et son pacifisme inepte. Chose étrange, je songeais en cours d'émission que ce balancement vengeur ne correspondait alors à la position de personne. Et puis je me suis dit, si, exactement à celle de Gaulle, alors inconnu et seul. Puis je n'y ai plus pensé, emporté par ce vertige de vrai. Puis l'émission s'est terminée sur les quatre notes de Radio Londres et une discrète croix de Lorraine, comme si elle aboutissait. Avais-je bien deviné l'idée d'Averti ? Je suis bien ému, en tout cas, qu'on me pardonne. Post-scriptum, les jours de Bagador deviennent de plus en plus beaux. Rien ne manque au Thibaut, que le génie, au roi maudit, que le talent. Vive Averti, jusque dans l'histoire de France. Maurice Clavel. C'était Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Vincent René, Bruno Gagnère et Pascal Baronzelli. Lala. Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Jean-Pierre Dionnet prête sa voix à Maurice Clavel. Aujourd'hui, Tartuffe ou l'épouvantable réussite de Marcel Craven. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Bonjour, vous avez sans doute reconnu cette chère voix que vous entendez régulièrement sur France Culture. Immense acteur de théâtre et du cinéma, Michel Bouquet a su dès ses débuts se partager avec la télévision et offrir autant des dramatiques de prestige dans les années 1960 parmi les plus belles prestations du petit écran. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur, plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. Maurice Clavel lui rend hommage et salue la réalisation de Marcel Craven pour le Tartuffe diffusé le 12 juin 1971. Nos télécritiques se divisent sur les adaptations théâtrales à la télévision, sur la transposition des théories du TNP au petit écran, dans un souci d'éducation et de culture pour tous. L'œuvre leur apparaît le plus souvent trahie. En revanche, pour Le Misanthrope de Jean Cargeron, Mauriac trouve que la comédie de Molière trempe dans un bain miraculeux qui change les personnages du répertoire en français de 1959. Alceste nous regarde et nous parle en dépit de sa perruque, avec les yeux et les expressions d'un homme d'aujourd'hui, note-t-il. Cet Alceste devenu l'un de nous, on ne finirait pas de rêver à son propos. Et Clavel, qui traque l'évolution du monde, médite, lui, sur le Tartuffe proposé par Bouquet et Craven. Le Nouvel Observateur, 21 juin 1971. Qu'est-ce que l'hypocrisie ? Un essai passionnant de Clément Rosset, Le Monde et ses remèdes, peut se résumer ainsi. Non seulement l'attitude morale est hypocrite, mais l'hypocrisie humaine fondamentale est la morale. Escroquerie qui consiste à substituer à l'être, aux données tragiques qu'il nous faudrait silencieusement assumer, certains titres à être que nous décernons évidemment selon nos finalités reposantes. Tartuffe, c'est l'homme moral, et c'est pourquoi il nous épouvante. Tartuffe, c'est vous et c'est moi. Et c'est en ce sens-là que le chef-d'œuvre de Molière est insurpassable, et que Michel Bouquet, l'autre samedi, m'a épouvanté. Comment, s'écrit Rosset, comment peut-on encore, après Marx, Freud et Nietzsche, les trois généalogistes révélateurs du cachet, démystificateurs de la fraude sincère, traiter Tartuffe d'hypocrite ? Tartuffe y croit, Tartuffe unit de tout cœur le ciel et la terrestre beauté qu'il a permise en la personne d'Elmire. Et les accents de sa première déclaration sont mystiques, chavirants. N'a-t-elle pas un peu chaviré ? Comment peut-on dire qu'il triche alors qu'il n'a pas de moment du temps où il commence à tricher ? Il n'a jamais décidé de soi, choisi un masque. Il existe, à la fin il est pris, mais il n'avoue rien, n'ayant rien à avouer. Il a tout dit, il ne peut disparaître qu'en ce silence, point d'orgue à nos méditations séculaires. Non, Tartuffe n'est pas le faux dévot, mais le dévot. De nos jours, ce serait l'idéaliste, l'homme sérieux, l'homme des problèmes importants. Le sérieux, dit Rosset, est le plus gigantesque divertissement pascalien pour échapper au tragique. J'ajoute que l'indignation est vertu ou faculté. Vertu, elle est saine, faculté, véreuse. Comment savoir si on exerce sa vertu ou sa faculté ? Vertige. En cet abîme nous plongeait Michel Bouquet. Il nous effraie parce qu'il nous prend à partie et à témoin de sa formidable innocence, autrement dit de notre culpabilité. « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère », dit Baudelaire. Ainsi Bouquet s'adresse-t-il au spectateur sans jouer, car il ne joue pas plus que Tartuffe, il est. Elmire joue en revanche, et Delphine Seyri, qui la joue à merveille, nous donne avec l'évidence physique et gestuelle de sa grâce cette grande et terrible leçon complémentaire que le cœur d'une honnête femme est effrayant. L'admirable, l'épouvantable réussite de la soirée est due à Marcel Craven. On lui a reproché de tasser gauchement la famille d'Orgon dans le petit cadre, et je l'en loue, car ce n'est qu'un tas qui met en valeur sa solitude et dont la proximité intime à nous-mêmes, les trois protagonistes, rongeurs et irréfutables. Ainsi j'ai reçu cette pièce noire, ou plutôt blanche, blanchâtre, blanche comme le troisième jour de la création, celui des reptiles existentiels, toujours en dessous, toujours là. Maurice Clavel. C'était Clavel trotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Vincent René, Bruno Gagnère et Pascal Baronzelli. Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jean-Pierre Dionnet prête sa voix à Maurice Clavel. Aujourd'hui, apostrophe, le face-à-face, Graal et Liaz. Vraiment, Heller Clave, d'un hiver now à Kand, eus abaden Bernes pivot, helpadenu. Divar ben argudenma, pebes braïs, pebes bretonnet. Pierre-Jacques Elias vient donc vous dire en breton que ce serait le 109e numéro d'apostrophe sur le thème « Quelle Bretagne et quel breton ?» Et je rassure tous ceux qui ne parlent pas le breton que cette émission aura lieu en langue française. Bonjour. Y aurait-il chez Pivot, que vous venez d'entendre le 8 juillet 1977, cette crainte larvée et bien française de voir la langue officielle de la République refoulée par le dialecte particulier? Et je songe ce matin au beau livre de Mona Ozouf, Composition française, qui pourrait compléter la célébration des figures bretonnes prises entre l'universel et la passion régionale, chacun cherchant à résoudre les contradictions de deux pôles vers lesquels nous ne cessons de tendre. Maurice Clavel profite de l'affrontement à la télévision de deux Bretons, Xavier Graal et Pierre-Jacques Elias, le cheval couché, le cheval d'orgueil, la Bretagne du large, mouvante et vivante, contre la Bretagne des terres, musée de tradition, pour rendre un vibrant hommage au poète Xavier Graal, qui est aussi l'auteur inspiré d'une belle chronique de télévision à témoignage chrétien. Maurice Clavel évoque à son propos la violence du converti et sans doute faudrait-il rappeler le choc de la guerre d'Algérie et de la torture sur ce citoyen engagé et sur l'homme de foi avant le retour au début des années 1970 vers sa petite Bretagne et son identité retrouvée. Le poète a du souffle et je le cite. « Il y avait les étoiles, il y avait les navires féeriques, il y avait les voiles, il y avait les voiles éoliennes, il y avait les voiles anciennes, il y avait la prairie de la pleine mer, il y avait les voiles bergères. » Xavier Graal. D'abord, votre itinéraire personnel. À l'âge de 40 ans, vous habitiez Paris, vous étiez un journaliste très connu sur la place. Oh, et très puis, connu. Ah, si, si, si. Et vous avez tout quitté pour retourner en Bretagne. Eh oui, pourquoi pas? Parce que j'ai. Figurez-vous que depuis 10 ans, depuis 15 ans, je me bats pour ce pays, même quand j'étais à Paris. Que j'aimais mon pays à un point tel qu'il a fallu que je revienne là-bas. C'était une démarche, disons, charnelle, tout à fait physique. Et pour trouver des racines. Et spirituelles. Des racines, plus que des racines. Un champ, peut-être, un chemin vers l'avenir, je crois. Vous savez, la Bretagne est vers la mer. Hein. Vous dites c'est pas seulement les bigoudénies. Non, attention. Il ne faut pas confondre. Mais c'est quoi la Bretagne? C'est Botulan seulement. C'est plus petit que la Mon lit, c'est Botulan seulement? Oui, enfin. Ah bon? C'est votre avis? Dans la mesure où le pays bigoudin, c'est moi. Moi, je parle de la Bretagne, monsieur. Vous, pas tout le temps de la bigoudénie. Alors, ça me fait un peu rigoler. Comment se fait-il que toute la France entière se soit reconnue dans ce que je dis de la bigoudénie? Mais la France entière, moi, je m'en fous, moi. Le Nouvel Observateur, 18 juillet 1977. Les Espagnols ont une belle expression pour désigner certains hommes privilégiés, durement privilégiés, et surtout leur visage. Ils disent « Tiene Anrel », « Il a de l'ange ». Ainsi m'a paru à l'écran, lors de l'apostrophe consacrée à la Bretagne, Xavier Graal, parfois absent, très loin dans son âme. Je ne connaissais pas son visage. Depuis longtemps, j'avais pour lui une admiration passionnée. Le voici donc, en chair et en os tellement plus qu'en chair. Est-ce un ange maudit? Non, c'est un poète maudit angélique. Les traits sont creusés à la Céline ou bien plutôt à la Artaud, autour de prunelles et de pommettes celtiques, encadrés par une crinière noire qui semble poissée d'embrun. Il est là, épuisé, il est gauche. Il ne dit pas ce qu'il veut dire. Il se répète. Qu'il était tonique, ce Graal, désemparé, dématé, tâtant un gouvernail qui ne répondait plus, mais en haute mer, étonnant la haute mer vaille que vaille. Il était là, pour un livre, le cheval couché. Cet ouvrage, comme son titre l'indique, attaquait avec virulence le cheval d'orgueil de Pierre Jacques Elias, lui aussi digne d'admiration et d'estime. Pourquoi ? Serait-ce une histoire de Bretons qui forment autant de clans qu'ils sont ? Oui et non. Graal a surtout la violence du converti. Il a retrouvé sa Bretagne et s'est fait, en cela aidé par sa foi même, un contestataire absolu du pouvoir français, réussissant comme jamais la fusion entre mystique et politique. Elias est là-bas depuis toujours, installé, oui, peut-être un peu installé, et chante sa Bretagne avec l'aide constante de la radio et de l'université française, sur le mode prédominant de la nostalgie, en quoi il peut paraître purifier l'attrait folklorique d'une province. Graal est sans doute injuste, comme les violents et les voyants. De plus, à mon sens, il se trompe en méconnaissant que la nostalgie peut être une force dans la révolte. Et il était pénible de voir aux prises deux poètes également patriotes. Maurice Clavel. C'était Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Vincent René, Bruno Gagnère et Pascal Baronzelli. Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jean-Pierre Dionnet prête sa voix à Maurice Clavel. Aujourd'hui, halte à Pierre Sebag, qu'on les téléspectateurs deviennent la clientèle. C'est vrai, je suis bien placé pour le dire. Tout le monde n'est pas toujours content des programmes. Mais pour autant, est-ce qu'on ne doit pas tenir compte de l'avis des téléspectateurs auxquels on s'adresse ? C'est pourquoi nous allons commencer une émission mensuelle, face au public. Le Nouvel Observateur, 14 octobre 1971. Rendons hommage au peu d'hypocrisie de Pierre Sebag. Il ne cache pas. Il étale qu'il s'agit de vendre, et le public, autrement dit le peuple français, s'appelle dans sa bouche la clientèle. Le Figaro se choque de cette criée, il en verra d'autres. François, lui, se parle. Bonjour. Qui sommes-nous pour les dirigeants de la télévision ? Je n'ose ouvrir la boîte de Pandore et je veux bien clamer comme le numéro 6 de la série Le Prisonnier, je ne suis pas un numéro, et ajouter ni un cerveau mis à la disposition de Coca-Cola. Eh oui, ce matin, nous nous confrontons à l'avènement de la télévision commerciale. En 1971, 74% des ménages français sont équipés d'un téléviseur. C'est le moment où l'on fait jouer la concurrence entre la première et la deuxième chaîne, tandis que le divertissement prime entre 19h et 22h et que s'affirment les études sur les audiences et la conquête du PAF par la publicité. C'est dans ce contexte que Pierre Sebag, le populaire producteur d'Au Théâtre ce soir, est nommé directeur de la deuxième chaîne pour promouvoir la télévision en couleur et rassembler les foules. Le créateur du journal télévisé a la réputation d'avoir le sens du grand public. Et l'historien des médias, Jérôme Bourdon, de rappeler le petit scandale prémonitoire quand Pierre Sebag avait déclaré au Monde du 10 novembre 1959 « Le journal télévisé n'est pas un vrai journal, c'est d'abord du spectacle ». Maurice Clavel lui consacre un article pamphlet en pleine controverse sur la suppression de la série « L'écriture par l'image », sorte de docu-fiction tournée en décor réel sur des problèmes sociaux, tandis que Pierre Sebag présente son programme dans micro et caméra pour la saison 1971. C'est que nous voulons poursuivre l'effort pendant l'été. Je ne veux pas faire une sous-télévision d'été, mais de garder... Les émissions que vous souhaitez retrouver, elles seront là dans le même effort, c'est-à-dire que vous retrouverez les dramatiques du samedi, dramatiques, j'insiste, originales. On nous a beaucoup fait reproche de rediffusion, non, dramatiques originales. Vous retrouverez Au Théâtre ce soir, que vous souhaitez, vous retrouverez les émissions de variété, vous retrouverez les émissions documentaires. Je veux dire, il n'y a pas de chute. Quelle vertigineuse escalade vers le bas. Mais après les paroles, des actes. Après le gougnafier et le flic, M. Crière, auquel on doit des œuvres assez inégales mais toujours intéressantes d'écriture par l'image, Le ciel bleu coûte cher, L'homme d'Orlu et ce petit boxeur qui fut enfin un franc succès de critique, M. Crière se voit interdire une dramatique 3 jours à peine avant de la réaliser. Il la prend sur les lieux mêmes du tournage. Motif économie. Absurde et mensonger, puisque les frais déjà engagés par contrat représentent une fort belle perte sèche. Et sous cet angle flic, la raison de l'interdiction devient claire. Louise et l'aventure devaient se dérouler en Lorraine, entre Mines de Fer et Atelier de Vendel. Monsieur Jacques Crière est privé de créer pour cause de gauchisme, ou du moins d'opinion de gauche. ou plutôt pour le crime de nous montrer des pauvres, oubliant que le héros type des dramatiques modernes à la télévision française est un promoteur immobilier amoureux, qui pourtant se fait rare ces temps-ci, comme c'est curieux. C'est d'ailleurs à la création en elle-même que s'en prend avec une franchise Maflu, l'heureux marchand de soupe de Haut Théâtre ce soir, le moins heureux géniteur de Ploume, la speakerine chenille. Recevons au sujet de Louis Laventure une délégation intersyndicale de nos réalisateurs, Monsieur Pierre Sabag confirme qu'il renonce, pour une durée d'un an environ, aux émissions de création et de recherche. C'est le moment ou jamais d'en finir, pour l'honneur et pour l'intérêt. Le provocateur n'est pas moi, mais lui. Et ne dites pas que je ne suis pas concerné. Celui qui parle ici n'est ni le critique de télé, ni le journaliste, ni le gauchiste, ni l'homme exclu des écrans sur tous les sujets politiques ou qui pourrait l'être, mais le simple citoyen à qui l'ORTF appartient comme à chacun, comme à tous. Un Français des plus traditionnalistes et sourcilleux sur le point de notre héritage qui ne peut se résoudre à voir accaparé, avili, le bien spirituel de son peuple et de sa patrie par une bande maquignonesque et flicarde. Comptez sur toutes mes forces et sur celles de nos amis. Maurice Clavel. C'était Clavel crotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Vincent René, Bruno Gagnère et Pascal Baronzelli. Lala. Clavel crotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jean-Pierre Dionnet prête sa voix à Maurice Clavel. Aujourd'hui, l'apocalypse écologique. Depuis deux jours, il y a le salon de l'automobile à la porte de Versailles et curieusement, il n'est pas placé sous le signe de l'environnement cette année. C'est exact. L'année dernière, il était placé sous le signe de l'environnement. Mais au fond, je préfère la situation de cette année. Peut-être faut-il ne pas se poser la question de savoir si et comment l'automobile a amélioré l'environnement, mais plutôt de savoir comment on peut améliorer l'automobile en faveur de l'environnement. Bonjour, vous venez d'entendre une interview de Dominique Moyen du ministère de l'Environnement dans la France défigurée du 6 octobre 1973. La compagnie BP va-t-elle survivre au désastre écologique de la marée noire au large du golfe du Mexique ? C'est le tragique feuilleton que nous suivons impuissant et qui sans doute symbolise toutes nos contradictions et impasses actuelles. À propos du magazine Visa pour l'avenir, Mauriac écrit le 23 juin 1962 « Attention à l'homme qui détruit la vie et veillons sur l'homme qui se détruit lui-même. La destruction des forêts et des espèces animales, la pollution de l'atmosphère, on dirait que l'espèce se prépare à l'anéantissement atomique. » Ce qui m'a serré le cœur, ce fut de voir la campagne virgilienne de Francis Jammes devenue cet enfer de lac où la vigne agonise. Mais il n'est pas question d'interrompre cette course à la mort. La technique, au service du grand capital, est une idole aveugle, dévorante, une idiote maîtresse du monde et qui l'aura jusqu'à l'os. Maurice Clavel lui emboîte le pas dans la grande décennie où l'écologie tente enfin de se faire entendre. En 1971, Robert Poujade inaugure le ministère de l'Environnement sous Pompidou, le président pro-voiture qui a pu dire aussi « les Français aiment la bagnole ». Dans un contexte de prise de conscience des nuisances écologiques et du rejet du massacre routier, les voix s'élèvent contre l'autocratie. Alfred Sauvy publie un pamphlet contre la voiture en 1968 et demande « pourquoi les hommes choisissent-ils systématiquement un mode de transport qui, dans de nombreux cas, est le moins indiqué ?» Le véhicule électrique est une solution pour les prochaines années, une solution pour les villes existantes. La France défigurée du 6 octobre 1973. Il y aura moins de fumée, moins de gaz et surtout moins de bruit. Mais les problèmes de circulation seront-ils pour autant résolus ? Je crois que les gens se rendent compte de plus en plus que dans ce fameux triangle de l'homme, de la cité et de l'auto, il y a incompatibilité entre la cité et l'auto. Le Nouvel Observateur, 5 octobre 1970. Nous avons ces temps-ci beaucoup d'émissions sur nous-mêmes. Je veux dire sur l'environnement, la pollution, l'urbanisme, l'automobile. Je n'en parle guère, pourquoi ? Je ne veux pas entrer dans le jeu, je ne critique rien, c'est tout ce que je conteste. Libéral, je devrais féliciter la télé de nous informer, je ne le fais pas. Je lui reproche, sans incriminer personne, de nous habituer ainsi, par le détail, à notre espèce de vie, au lieu de dénoncer notre mort qui est là. Pour la résurrection, ne comptons évidemment pas sur elle. Prenons les pollutions, les déchets, les ordures. Comment s'en débarrasser ? Vous connaissez bien ce titre. Le monde occidental imite et réalise Ionesco. Indubitablement, on ne s'en débarrassera pas, car c'est notre cadavre même qui prolifère. Non symboliquement, mais par effet mécanique, donc implacable, encore que le symbole y soit aussi imprimé, comme venant de plus haut. Je souris de ceux-là qui, voyant une plage cloaque où l'on nage encore, une rivière banquise de mousse où l'on pêche encore à la ligne dans les trous, s'écrient « C'est l'apocalypse !» et croient faire une métaphore. Non, c'est l'apocalypse à la lettre qui commence. Où est-il écrit qu'elle se déroulera en un quart d'heure ? Apocalypse veut dire dévoilement, et c'est nous qui nous dévoilons. Cela peut prendre le temps d'une immense psychanalyse. Oui, nous avons voulu cela. Nous le sommes jusqu'à la moelle. Je dis « nous » et je ne dis pas notre culture, car c'est elle, bien sûr. Mais ce mot-là a bon dos et nous dégage à bon compte. Ce choix profond, collectif, inconscient, cette option commune sur l'absolu qui est toujours une culture, la nôtre en est le refus. Il y a toujours une heure où nous la ratifions en nous-mêmes, où nous la choisissons, donc quoi ? Allez savoir. Après cela, on se doute que le débat sur la bagnole à l'avocat du diable m'a laissé froid. Mais Sauvy, étonnant de jeunesse, d'alacrité, d'agressivité, parle dans le désert, n'obtiendra rien, le sait, le dit. Cela parce qu'il lutte à l'intérieur du système, non contre. C'est le sort de toute la gauche. On n'aura rien changé tant qu'on n'aura pas tout changé, et d'abord la vie. Maurice Clavel. C'était Clavel croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Vincent René, Bruno Gagnère et Pascal Baronzelli. Lala. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture du 16 au 20 août 2010. À suivre.